l'industrie des vaccins. Priorité à la sécurité des profits plutôt qu'à celle des vaccins. Opinion sans phare. Aujourd'hui avec Robert F. Kennedy Jr., écrivain, avocat et militant pour l'environnement. Robert F. Kennedy Jr. est un présentateur de radio américain, militant pour l'environnement, écrivain et avocat spécialisé en droit de l'environnement. Il est le fils de Bobby Kennedy, le neveu de John F. Kennedy. Il est aussi président du conseil d'administration de la Waterkeeper Alliance, un organisme sans but lucratif axé sur les efforts déployés sur le terrain pour protéger et améliorer les cours d'eau dans le monde. Il est actuellement co-animateur de Ring of Fire, une émission radio d'un syndicat national américain. Kennedy a écrit deux livres et plusieurs articles sur les questions environnementales. En mai 2010, Time.com a nommé Kennedy l'un des « Heroes for the Planet », héros de la planète, pour ses efforts réussis dans la restauration de la rivière Hudson. Robert Kennedy s'oppose fermement à l'utilisation dans les vaccins d'un agent de conservation à base de mercure, le timérosal. En avril 2017, il a participé en direct à l'émission de Tucker Carlson et il y a parlé de quelques faits sur la sécurité des vaccins que beaucoup de personnes ne connaissent toujours pas aujourd'hui. Dans l'interview, Kennedy a remercié Tucker Carlson de l'avoir invité à l'émission car c'était seulement la deuxième fois en 10 ans qu'une émission de télévision grand public lui permettait de parler de la sécurité des vaccins. Dans cette interview, Kennedy parle des milliards que l'industrie pharmaceutique donne aux médias. Il dit comment elle contrôle le débat sur les vaccins, comment elle jouit d'une immunité légale globale en matière de vaccins et comment le Congrès, selon lui, se noie dans l'argent de l'industrie pharmaceutique. Voici les déclarations centrales de l'interview. L'évaluation des vaccins a changé radicalement vers 1989. La raison pour laquelle elle a changé, c'est que le Congrès qui se noie dans l'argent de l'industrie pharmaceutique a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait pour une autre industrie. Il a accordé une immunité légale globale à tous les fabricants de vaccins pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Peu importe si les protocoles de fabrication sont bâclés, peu importe si le contrôle qualité n'est pas fait, peu importe combien le composant est toxique ou peu importe la gravité des dommages qu'ils ont causés aux enfants. Il n'y a pas de réserve, pas de divulgation, pas de recours collectif. Soudain, les vaccins sont devenus extrêmement rentables. Le mercure a été retiré de 3 vaccins dans ce pays, mais il est encore présent dans les vaccins contre la grippe. Et il est présent dans les vaccins partout dans le monde. C'est la neurotoxine non radioactive la plus forte que l'homme connaisse. Comment peut-on injecter ça à un enfant ? Si vous prenez ce flacon de vaccin et que vous le brisez, vous devez le jeter comme un déchet dangereux. Vous devez évacuer le bâtiment. Pourquoi devrions-nous prendre cette substance et l'injecter au bébé? Dans le cadre d'une étude incontestable portant sur des enfants africains, un groupe de scientifiques prestigieux a étudié le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, qui est le vaccin le plus largement utilisé dans le monde. Pratiquement tous les enfants en Afrique le reçoivent. Ils ont mené une étude, vaccinés contre non vaccinés, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les enfants qui ont reçu le vaccin, les petits bébés, étaient 10 fois plus susceptibles de mourir dans les 2 mois suivants que les enfants qui ne l'avaient pas reçu. Et ce qu'ils ont conclu, cette étude a été financée par le gouvernement danois, et une fois de plus, ces gens sont des scientifiques très inattaquables. Ils ont conclu que le vaccin tue plus de gens que la diphtérie, le tétanos et la coqueluche réunies. On m'appelle constamment anti-vax, c'est-à-dire un opposant au vaccin, parce que l'industrie pharmaceutique est tellement puissante qu'elle donne aux médias 5,4 milliards de dollars par an et parce qu'elle s'est affranchie des avocats, de sorte que personne, au niveau juridique, n'est intéressé par ces cas.